الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc toujours dans la traduction et les quelques commentaires sur le livre Taysir al-Allam, شرح عمدة الأحكام, un livre de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah et une explication de Cheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait expliqué quatre hadiths. Le hadith de Abdullah ibn Yazid al-Khatmi, radiyallahu anhu. Le hadith d'Abu Huraira. Le troisième hadith d'Abu Huraira. Et le quatrième hadith d'Abu Mas'ud al-Ansari, radiyallahu ta'ala anhu. Qui se propose pour nous réciter le premier hadith de Abdullah ibn Yazid radiyallahu anhu. Qui se propose? Fadal al-Jawad. An Abdullah ibn Yazid Bini Yazid al-Ansari radiyallahu anhu qala haddathani al-Bara'u ابن عازب وهو غير كاذب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجدا بعده رواه البخاري ومسلم. أحسنت, بارك الله فيك. حديث أبو هريرة رضي الله عنه. بكل ما كيسون ذيلا. تفضل منير. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إذا أمنا الشدة اللي سور الميم إذا أمنا نعم فأمنوا إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن فأمنوا فمن فإنه نعم فإنه من وثق تأمينه نعم نعم غفر له ما تقدم من ذنبه. أحسنت, رواه البخاري ومسلم, بارك الله فيك. Troisième hadith d'Abu Huraira رضي الله عنه. Il est court celui-là aussi. Malcolm, تفضل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلي أهلكم للناس يخفف وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. أحسنت, بارك الله فيك. رواه البخاري ومسلم. يودينا الحديث لأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه. كي سو بروبوز إبراهيم ما حفظ؟ طيب كي نادير سليم تفضل نادية تفضل. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأتأخر إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قد أشد ما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس فإن منكم منفرين إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليجيز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. أحسنت. رواه البخاري ومسلم. بارك الله فيكم. وقال المؤلف رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر المصنف في هذا الباب طرفا من الأحاديث الصحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته هي الصلاة التامة الكاملة التي لا يتطرق إليها النقص أو الخلل، وهو المشرع صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباعه وتقديم سنته على كل قول، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيجب علينا معرفة صلاته ومراعاتها، ونظرا إلى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم بيان للأوامر الموجبة لفعل الصلاة، فإن أفعاله في صلاته صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب، ومن صرفها عنه إلى غيره فعليه تقديم الدليل. Le chapitre de la description de la prière du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. L'auteur cite dans ce chapitre un certain nombre de hadiths authentiques qui décrivent la prière du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la prière qui est complète et parfaite, une prière qui ne contient aucun manque ni aucune lacune, car et c'est lui sallallahu alayhi wa sallam le législateur. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un législateur? Non. C'est un législateur. Non, mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la faculté de légiférer? Oui ou non? Non? Oui. Taïb, comme on est des gens qui suivent la vérité et qui suivent les preuves et les dalines, quelle est la preuve que le... Non, Hassan, le hadith du professeur Hassan, « Lawla an ashuqqa ala ummati, la amartuhum bis siwaki inda kulli salah » ou fi hadith akhar, « inda kulli » Wudu. La preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi un législateur est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'était une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière ou pendant chaque ablution. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je leur aurais ordonné, cela est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi un législateur. Et a cité cette preuve, entre autres, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala. Donc, la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est une prière qui est complète et parfaite, qui ne contient aucune lacune, ni aucun manquement, ni aucun défaut. Et si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un législateur, il nous est donc obligatoire de le suivre et de précéder sa sunnah devant la parole de quiconque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Priez comme vous m'avez vu prier. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Il nous est donc obligatoire de connaître la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la comprendre. Et de savoir également que concernant la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actes sont une obligation. C'est-à-dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans sa prière, là-bas, c'est que c'est une obligation. فَإِنَّا فَعَلَهُ فِي الصَّلَاةِ تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ. Les faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses actes pendant sa prière prouvent l'obligation, et celui qui dit qu'elles ne sont, que ce n'est pas obligatoire, alors il doit apporter une preuve. C'est-à-dire un autre hadith qui vient prouver que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans sa prière, à tel ou tel moment de la prière, n'est pas une obligation, mais quelque chose de préférable ou de recommandé. الحديث التاسع والسبعون le 79e حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد رواه البخاري ومسلم. Le 79e hadith, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le takbir dans la prière, il observait un moment de silence avant de lire. J'ai dit, c'est-à-dire Abu Huraira, ô envoyé d'Allah, par mon père, et ma mère, c'est-à-dire, et on verra par la suite, c'est-à-dire je sacrifierai pour toi mon père et ma mère. Le laps de temps ou le silence que tu fais entre le takbir et la lecture, que dis-tu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je dis, ô Allah, éloigne mes péchés de moi, comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Ô Allah, purifie-moi de mes péchés, comme le vêtement blanc est purifié de la saleté. Ô Allah, lave-moi de mes péchés par l'eau, la neige et la grêle. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. غريب الحديث أولا هنيهة قال في القاموس الهنو بالكسر الوقت وفي الحديث هنية مصغرة هنة وهي بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بمعنى قليل من الزمان وأصلها هنوة أي شيء يسير ويروى هنيهة بإبدال اليائها قلت المراد هنا أن يسكت سكتة لطيفة. Les termes qui méritent explication dans le hadith. Premièrement, le terme هنيهة. هنيهة qui est, comme l'a dit comme cela est cité dans Al-Qamous, dans le dictionnaire de la langue arabe, Al-Hinwu bil-Kasri al-Waqt. Ça vient du mot Al-Hinwu qui veut dire le temps. Et dans une autre version du hadith, Fasakata Hunayyatan. Donc il y a deux versions du hadith qui sont authentiques. Dans une version c'est Hunayyatan, et dans une autre version c'est Hunayyatan. C'est-à-dire un petit laps de temps. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu un petit moment. Thaniyan al-thalj wal-barad. Al-barad bit-tahrik hubbul ghamam. La neige et al-barad. Al-barad c'est la grêle. Thalithan ra'aytu sukutaka dhummata'u ra'aytu. والمراد بالسكوت ضد الجهر لا ضد الكلام ويدل عليه عبارة ما تقول. Et lorsque Abu Huraira radiallahu anhu a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son silence. Ici, le silence qui est voulu, ce n'est pas de ne pas parler, ce n'est pas le silence qui est le contraire de la parole, mais ce qui est voulu, c'est le fait de parler à voix basse. Et la preuve est que Abu Huraira radiallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dis-tu? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a voulu dire par le silence le fait de ne pas parler, il ne lui aurait pas demandé, que dis-tu? Donc, as-sukut huna, c'est le contraire d'élever la voix, c'est-à-dire, que dis-tu à voix basse. الدنس بفتح الدال والنون الوسخ. الدنس signifie la saleté, chose impure. بأبي أنت وأمي الباء متعلقة بمحذوف والتقدير أنت مفدي بأبي وأمي. C'est-à-dire par mon père, pour toi et ma mère, c'est-à-dire que je sacrifierai pour toi, mon père et ma mère. Al-ma'na al-ijmali. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة تكبيرة الإحرام خفض صوته مدة قليلة قبل أن يقرأ الفاتحة. وكان الصحابة يعلمون أنه يقول شيئا في هذه السكتة. لذا قال أبو هريرة أفيدك يا رسول الله بأبي وأمي. ما تقول في هذه السكتة التي بين التكبير والقراءة؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا دعاء في غاية المناسبة في هذا المقام الشريف موقف المناجاة، لأن المصلي يتوجه إلى الله تعالى في أن يمحو ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعادا لا يحصل معه لقاء، كما لا لقاء بين المشرق والمغرب أبدا، وأن يزيل عنه الذنوب والخطايا وينقيه منها، كما يزال الوسخ من الثوب الأبيض الذي يظهر أثر الغسل فيه، وأن يغسله من خطاياه ويبرد لهيبها وحرها بهذه المنقيات الباردة الماء والثلج والبرد، وهذه تشبيهات في غاية المطابقة. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait le takbir de la prière, c'est-à-dire le premier takbir, celui qui fait entrer dans la prière, il baissait sa voix et parlait à voix basse pendant un court instant avant de lire Al-Fatiha. Et les compagnons, radiyallahu anhum, savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quelque chose pendant ce laps de temps. C'est pour cela qu'Abu Huraira radiyallahu anhu a dit « Je sacrifierai pour toi, père et mère, ô envoyé d'Allah. Que dis-tu pendant ce petit laps de temps entre le takbir et la lecture, c'est-à-dire de Al-Fatiha ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je dis, ô Allah, éloigne entre moi et mes péchés comme tu as éloigné entre l'Orient et l'Occident. Ô Seigneur, purifie-moi de mes péchés comme est purifié un vêtement blanc de la saleté. Ô Seigneur, lave-moi de mes péchés par l'eau, la neige et la grêle. » Et cette invocation vient ou épouse totalement le contexte dans lequel se trouve le prieur, qui est en face d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le prieur se place et se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il lui pardonne ses péchés et qu'il éloigne ses péchés de lui, un éloignement qui nie toute rencontre, comme il n'y a point de rencontre, ou comme il n'y aura jamais de rencontre entre l'Orient et l'Occident, et de وَأَنْيُزِلَ عَنْهُ الذُّنُوبِ, et d'enlever de lui tous les péchés et toutes les erreurs, et de le purifier de celles-ci, comme la saleté est purifiée d'un vêtement blanc, qui après avoir été lavé, eh bien, retrouve sa clarté. وَأَنْ يَغْسِلَهُ مِنْ خَطَيَاهُ, et de le laver de ses péchés, et de rafraîchir sa flamme et sa chaleur, c'est-à-dire du péché, de rafraîchir les flammes et la chaleur du péché à travers ces moyens de nettoyage qui sont frais, à savoir l'eau, la neige et la grêle. وهذه تشبيهات في غاية المطابقة. Ces trois choses se ressemblent grandement, c'est-à-dire l'eau, la neige et la grêle. Ahkam al-hadith, les jugements à retenir du hadith. Awwalan istihbabu du'a al-istiftah fi as-salah. Premièrement, qu'il est préférable et recommandé de faire l'invocation de l'ouverture pendant la prière. Thaniyan, إن مكانه بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من كل صلاة. Deuxièmement, que le moment dans lequel se dit l'invocation de l'ouverture est après le takbir et avant la lecture de l'Fatiha de la première raka'a de chaque prière. Quand est-ce qu'on fait du'a al-istiftah, l'invocation de l'ouverture, entre le takbir, le premier takbir, et la lecture de l'Fatiha, lors de la première raka'a de chaque prière. De chaque prière, quelle que soit celle-ci, que ce soit une prière obligatoire ou une prière surérogatoire. Thalithan, an yusirra bihi walau kanat as-salah jahriyah. Ce que l'on retient du hadith également, c'est que l'invocation de l'ouverture se dit à voix basse, même si la prière est faite à voix haute. Car les compagnons n'entendaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam la dire. Cela prouve qu'elle se dit à voix basse. Rabi'an, innahu la yutalu fihi du'a, wa la siyama fil jama'ati lis salawati al maktouba. Quatrièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est que l'on ne doit pas être long dans cette invocation. Et ceci d'autant plus lorsque l'on prie en groupe pendant les prières obligatoires. La preuve que la du'a est courte, Hunayhatan ou Hunayya, lorsque Abu Hurayra radiallahu anhu a dit que le professeur sallam faisait un silence qui était court. Khamisan, hirsu as-sahabati ala radiallahu anhum ala tatabbu'i ahwali ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam fi harakatihi wa sakanatihi. Cinquièmement, l'ardeur qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'intérêt qu'ils avaient à suivre l'ensemble des situations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit en mouvement ou qu'il soit en station sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Sadisan, innahu yanbaghi fi mawatin ad-du'a أن يلح الإنسان ويكثر في طلب الشيء ولو بطريق ترادف الألفاظ، فإن هذه الدعوات تدور كلها على محو الذنوب والإبعاد عنها، ومعاني الماء والثلج والبرد متقاربة، والمقصود منه متحد، وهو الإنقاء من حرارة الذنوب بهذه المواد الباردة. Sixièmement, qu'il est demandé lorsque tu invoques d'être humble dans ton invocation et de demander plusieurs fois la demande d'une chose, même si les termes sont différents. Car dans les invocations qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'ouverture, ce sont toutes des invocations qui tournent autour du pardon des péchés et une demande à Allah Azza wa Jal de nous éloigner des péchés comme de choses que les péchés soient pardonnés et que l'on soit éloigné d'eux. Et également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'eau, de la neige et de la grêle, est-ce que ce sont des choses qui sont similaires ou qui ont des points en commun? Oui. Yani, le fait de dire l'eau, la neige et la grêle, la neige c'est de l'eau, la grêle c'est de l'eau. L'eau en général est fraîche, la neige est fraîche et la grêle est fraîche également, ou est fraîche également. Donc, et le but est unique, à savoir de demander à ce que les péchés soient purifiés, d'être purifiés des péchés et également qu'ils soient, que l'ardeur et la chaleur de ces péchés soient atténuées et éradiquées par ces substances fraîches. Donc ceci pour dire que lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu as le droit de demander une chose plusieurs fois en utilisant des synonymes ou des phrases qui rejoignent le même sens. فائدتان الأولى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة للصلاة، منها هذا الدعاء الذي معنا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره، وكلها جائزة لأنها واردة، ولكن الإمام أحمد اختار الأخير منها سبحانك اللهم إلى آخره لكونه محتويا على تمجيد الله وتعظيمه ووحدانيته، وكان عمر يجهر به ليعلمه للناس، وينبغي للمصلي أن لا يقتصر دائما على واحد منها، بل يقولها كلها، بل يقولها كلها ليحصل له كمال الاقتداء وإحياء جميع السنة فيها، ويجعل القصار لصلاة الجماعة والطوال لصلاة الليل. Deux remarques fait l'imam Cheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah. La première, il est rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs invocations d'ouverture de la prière. Parmi ces invocations, celle que l'on étudie actuellement, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayay, ô Seigneur, éloigne mes péchés de moi, etc. jusqu'à la fin. Et il y a l'autre invocation, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard, je dirige mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, jusqu'à la fin de l'invocation. Et il y a aussi l'autre invocation qui est la plus connue, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wa la ilaha ghayruk. Et il dit, rahimahullah, elles sont toutes autorisées car elles ont toutes été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mais l'imam Ahmed rahimahullah a choisi la dernière de celles-ci, qui est subhanakallahumma wa bihamdik. Car c'est une invocation qui contient la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui immensifie Allah et qui l'unifie subhanahu wa ta'ala. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu la disait à voix haute afin de l'enseigner aux gens. Et il est demandé aux prières de ne pas se restreindre à chaque fois à l'une de ces invocations, mais de toutes les dire, afin que son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit le plus parfait possible, et afin également de faire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Car il n'y a aucun doute que si tu apprends toutes ces invocations et que tu les dis chacune de temps en temps, que tu auras fait revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et de choisir celles qui sont courtes dans les prières en groupe et de choisir celles qui sont longues dans les prières de la nuit. Car la prière de la nuit se fait en général seule, sauf pendant le mois du Ramadan où celle-ci est légiférée en groupe. Ou lorsque cela a été fait de façon non préméditée comme on l'a vu dans les cours précédents. الثانية من المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو مذكور في الدعاء المأثور فكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد مع أن المقصود طلب الإنقاء والتنظيف. Et la deuxième remarque de Cheikh Abdullah al-Bassam, il dit ce qui est connu, c'est que c'est l'eau chaude qui nettoie mieux les saletés. Or, في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو مذكور في الدعاء المأثور. Pourquoi alors est-ce que dans l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la neige et de la grêle alors que ce qui est demandé est d'être purifié des péchés? Or, ce qui purifie la saleté, c'est plus l'eau froide ou l'eau chaude? L'eau chaude. الجواب, la réponse. قد حصل من العلماء تلمسات كثيرة في طلب المناسبة وأحسنها ما ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام رحمهم الله ومعناه لما كان للذنوب حرارة ناسب أن تكون المادة المزيلة هذه الباردة لتطفي هذه الحرارة وذاك التلهب. La réponse est que les savants ont donné beaucoup d'explications pour justifier le fait que ce sont des choses fraîches qui ont été citées au lieu de l'eau chaude. Et la meilleure des réponses est celle qu'a cité Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, qu'il rapporte lui-même de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, de l'encens dont le sens est lorsque, à partir du moment où les péchés ont une chaleur, eh bien, il est logique que la substance qui va éradiquer celle-ci soit fraîche afin qu'elle éteigne la chaleur et les flammes de ses péchés. طيب الحديث الثامنون. Le 80e حديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا نعم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وزي القراءة نعم. Certains savants ont dit que c'est une erreur, al-qira'ati, que c'est al-qira'ata. Et certains parmi le Malikiya utilisent le fait que c'est al-qira'ati pour dire qu'il n'y a pas de dua al-istiftah. Pour dire qu'il n'y a pas de dua al-istiftah, car le hadith c'est il commençait sa prière par le takbir et la lecture de la Fatiha. D'accord. Donc les tartib, na'am. Donc ici c'est al-qira'ata, la la lecture authentique, c'est Al-Qira'ata. Bilhamdulillahi Rabbil Alamin. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yastaftihu as-salata bit-takbiri wal-qira'ata bilhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa kana idha raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin kana bayna dhalik. Wa kana idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'ima. Wa kana idha rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawi قاعدة. وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم رواه مسلم ولا يوجد عند البخاري بهذا اللفظ. Selon Aïcha radiyallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvrait la prière par le takbir et la lecture par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et lorsqu'il s'inclinait, il ne levait pas sa tête ni ne la baissait, mais était entre les deux. Et lorsqu'il levait sa tête de l'inclinaison, il ne se prosternait que lorsqu'il était debout. Et il ne relevait sa tête. Et lorsqu'il relevait sa tête de la prosternation, il ne se prosternait pas jusqu'à s'être assis. Et il disait à chaque paire de raka'a, c'est-à-dire toutes les deux raka'a, il disait at-tahiyya. On verra at-tahiyya ce que c'est. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra. Et il allongeait son pied droit et levait son pied gauche et levait son pied droit. Et il interdisait de faire où il interdisait uqbatu shaytan, on verra ce que c'est. Et il interdisait à l'homme d'allonger ses avant-bras comme l'allongent les bêtes féroces. Et il terminait sa prière par le taslim, hadith authentique, rapporté par Muslim, et ces termes ne sont pas présents dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Autrement dit, le 80e hadith est un hadith qui est rapporté uniquement par Muslim dans son sahih. Ceux-ci font partie des hadiths qui font l'exception et qui ne rentrent pas dans la condition qu'avait donnée l'auteur lorsqu'on avait commencé le livre. On a dit que l'auteur avait pris pour engagement de citer dans ce livre que les hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Donc la plupart effectivement, mais pas tous, et parmi eux, ce hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui a été rapporté par l'imam muslim uniquement. Gharib al-hadith. Les termes qui méritent explication dans le hadith. Awalan bilhamdulillahi arrafu ala al-hikaya. Et la lecture par alhamdulillahi rabbil alam. Bilhamdulillahi. Normalement, ça devrait être bi. Ba, c'est quoi? Hafjar. Naam? Naam. Normalement, c'est bilhamdi lillah. Mais ici, c'est bilhamdulillah, car elle cite al-hikaya, elle cite alhamdulillahi. Donc, c'est entre guillemets. Qui commence par Alhamdulillah. Pour cela que Alhamd ici est marfoua. Thaniyan, lam yushkhis bi dhammi al-ya wa iskan al-shin al-mu'jama. C'est quoi al-shin al-mu'jama? Quand on parle de mu'jam et de muhmal, c'est quoi? Naam. Bi iskan al-shin al-mu'jama, c'est-à-dire avec les points. Les savants du hadith utilisent beaucoup cela et les autres pour corriger et être sûr que l'on parle de la même chose. Quand tu dis Ashin, si on avait écrit wa iskan Ashin, est-ce que quelqu'un aurait pu se tromper en disant, en écrivant Shin au lieu de Sin? Ici l'auteur dit bidam ilia, c'est-à-dire que l'alia est madmouma, c'est-à-dire qu'il y a une damma dessus. Yushriso. Donc sur l'alia il y a une damma. Wa iskani shin al mu'jama. Et sur le shin, il y a un sukun. Mais il a dit shin al mu'jama pour appuyer que l'on parle bien du shin. Parce que même en écrivant, si quelqu'un aurait pu écrire wa iskani shin, alors qu'en fait, ou iskani sin, alors que l'auteur voulait dire ashin. On peut se tromper à mettre trois points ou à ne pas les mettre. Mais quand on dit mu'jama, c'est-à-dire qu'il y a des points. Et ça évite l'erreur. On peut pas écrire bisin al mu'jama. Parce que sin, elle est pas mu'jama. Il y a des points. Il n'y a pas de points sur le sin. Or, sur le shin, il y en a. Donc, quand vous entendez mu'jam, que ce soit dans shin, que ce soit dans le kha, par exemple, ou dans le jim, ou dans le ba, non, le ba, il n'y a pas de ba sans point. Naam. Dans ta, naam, etc. Donc, quand on dit mu'jam, c'est quand il y a des points. Et quand on dit muhmal, c'est quand il n'y a pas de points. Thumma kusira al kha ul mu'jama. Et il y a une kasra sur le kha. Al-mu'jama, c'est-à-dire qu'on parle bien du kha avec un point. Thumma sad al-muhmala. Al-sad, qui n'a pas de point. Ay lam yarfa'hu wa minhu shakhisu lil mutaraffi'a. C'est-à-dire, lam yushri, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne surélevait pas sa tête, n'élevait pas sa tête. Wa lam yusawibhu thalithan wa lam yusawibhu bi dhammi al-ya wa fathi as-sad al-muhmala wa kasri al-waw al-mushaddada. Al-waw al-mushaddada c'est na'am bishadda. Ay lam yakhfidhu khafdan baligha. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait ar-ruku', l'inclinaison, ni il ne levait sa tête par rapport à son dos, ni il ne baissait sa tête par rapport à son dos, mais la tête était au même niveau que le dos. Rabi'an yafrushu bi dhammi ra wa kasriha wa dhammu ashhar. Il est autorisé de dire yafrushu ou bien yafrishu. Et ce qui est le plus réputé, c'est yafrushu. Khamisan 'uqbatash bi dhammi al-'ain. Fassarahu Abu Ubaida wa ghayruhu بِالْإِقْعَاءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ عُقْبَةِ c'est-à-dire عُقْبَةُ الشَّيْطَان Abu Ubaid et autres ont expliqué que c'est الْإِقْعَاءِ qui est interdit. Qu'est-ce que l'إِقْعَاءِ? Non? C'est s'asseoir sur les deux talons. Non. Ça, c'est al-iqa'a al-ja'iz. Parce qu'il y a al-iqa'a autorisé et il y a al-iqa'a interdit. Al-iqa'a qui est autorisé, c'est le fait de mettre droit ses pieds et de les lier et de s'asseoir et de poser ses fesses sur ses talons. Qu'est-ce qu'il peut nous montrer al-iqa'a pour le montrer? Tandal Nadir. Monte sur le minbar. Non, c'est ça l'iqa'a. Et ça, c'est autorisé quand? Bain al-sajdatayn. Et il y a l'iqa'a al-mamnou, qui est déconseillé ou interdit. C'est le fait, bon, il y en a plusieurs que les savants citent. Ils citent le fait de s'asseoir en allongeant les deux pieds et en posant ses fesses sur le talon. Montre. Non. Ah, c'est-à-dire les deux pieds. Les pieds allongés. Ils font souvent ça, les gens. Les pieds allongés. Quoi, ça, c'est-à-dire? Non. Non. Il y a certains savants qui disent ça. D'autres ont dit c'est ça plus un autre iqa'a, c'est le fait de poser ses fesses entre les pieds. Non. Fais-le. C'est dur. Voilà, c'est d'écarter les jambes, de s'asseoir en posant les pieds, en écartant les jambes et en posant les fesses entre les jambes. Ça aussi, c'est fait partie de l'iqa'a المنهي عنه. نعم في الصلاة. نعم. سادسا يستفتح أي يفتح فالسين للتأكيد لا للطلب. نعم. Donc il stafthihu, c'est-à-dire qu'il commençait, et ici c'est pour montrer, pour appuyer le fait qu'il ouvrait la prière et non pas une demande. Car ista, lorsqu'il précède un verbe, c'est pour demander. Istada'a. Istada'a, c'est-à-dire il a demandé à ce que l'on vienne. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de trucs que tu dis, il y a pas. T'es sur le bon chapitre? Ah, il manque. Ah, faire attention au tabarat. Khair, inshallah. Tu vas acheter en Algérie, celui-là? Ah, khair, inshallah. طيب. المعنى الإجمالي. تصف عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث الجليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر ويفتتح القراءة بفاتحة الكتاب التي أولها الحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع بعد القيام لم يرفع رأسه ولم يخفضه وإنما يجعله مستويا مستقيما وكان إذا رفع من الركوع انتصب واقفا قبل أن يسجد وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول بعد كل ركعتين إذا جلس التحيات لله والصلوات إلى آخره وكان إذا جلس افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب رجله اليمنى وكان ينهى أن يجلس المصلي في صلاته كجلوس الشيطان وذلك بأن يفرش قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه أو ينصب قدميه ثم يضع اليتيه بينهما على الأرض كما ينهى أن يفترش المصلي ذراعيه في السجود كافتراش السبع وكما افتتح الصلاة بتعظيم الله وتكبيره ختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة والمصلين ثم على جميع عباد الله الصالحين والأولين والآخرين فعلى المصلي ملاحظة هذا العموم في دعائه. Le sens général du hadith. Aïcha radiallahu anha décrit dans ce hadith important la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il commençait la prière par le takbir, takbirat al-ihram, en disant Allahu Akbar. Puis il commençait la prière de l'Fatiha, la sourate de l'ouverture, dont le début est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et lorsqu'il s'inclinait après être resté debout, c'est-à-dire lors de sa lecture, il ne levait sa tête ni l'abaissait, mais il plaçait ou il était positionné de façon droite. Et le savant expliquait que la tête doit être au même niveau que le dos. Et lorsqu'il se relevait de l'inclinaison, il se positionnait debout, c'est-à-dire qu'il était debout de façon complète avant de se prosterner. Car certains, et ceci est une erreur grave, lorsqu'ils se lèvent du recours, n'attendent même pas de se mettre complètement debout pour se prosterner. Et ceci est une grave erreur dans la prière. Et lorsqu'il levait sa tête, lorsqu'il relevait sa tête de la prosternation, il ne se prosternait, c'est-à-dire une nouvelle fois, que lorsqu'il était correctement assis. Et il disait après deux rak'at lorsqu'il était assis, c'est-à-dire pendant le tashahhud, at-tahiyyatu lillah wa as-salawat, jusqu'à la fin de la tahiyya que l'on verra par la suite et que l'auteur cite, ou plutôt il cite celle qui est la plus répandue et la plus authentique, qui est celle rapportée par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Et lorsqu'il s'asseyait, il allongeait son pied gauche et s'asseyait dessus. Et il levait son pied droit. Il posait droit son pied droit. Et il interdisait que le prieur s'assied dans sa prière comme s'assied le diable. Et ceci en allongeant ses deux pieds sur terre et en s'asseyant sur ses talons. Ou bien, an yansiba qadamayhi, de positionner droit ses pieds et de poser ses fesses entre les deux par terre. Donc ici, le iqa'a manhi qu'a cité Cheikh, c'est lorsque les deux pieds sont levé, écarté et poser ses fesses sur la terre. Tu peux montrer Nader? C'est dur, c'est dur. Non, rien, Inch'Allah. Comme il a interdit d'allonger les avant-bras pendant la prosternation, comme le font les bêtes féroces. Montre, Nazil, comment on fait. Comment on ne doit pas faire, plutôt. Comment on ne doit pas faire. Voilà. C'est d'allonger ses avant-bras par terre lorsque l'on est prosterné. Et comme le prophète sallam a ouvert la prière en immensifiant Allah et en disant que c'était le plus grand, eh bien, il l'a clôturé en demandant le salut, en demandant à Allah le salut à tous ceux qui sont présents parmi les anges et les prières, puis à l'ensemble des serviteurs d'Allah, les vertueux, les premiers comme les derniers. Et le prieur doit prendre en compte et doit avoir à l'esprit tous ses sens lorsqu'il fait ses invocations. Ici, Cheikh Al-Bassam, lorsqu'il parle, il clôture la prière en demandant le salut. Il parle de quelle parole? Est-ce qu'il parle du taslim ou est-ce qu'il parle de at-tahiyya? Ou des deux? Non? Ça peut être les deux. Et quand tu dis assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum, c'est une invocation que tu fais. Tu demandes à Allah Azzawajal le salut. C'est-à-dire que Allah Azzawajal nous préserve de toute chose mauvaise, etc., etc. Et ceci, tu le demandes à toi, à ceux qui sont présents parmi les êtres humains, les anges, mais aussi à l'ensemble des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on peut aussi comprendre de la parole de Cheikh rahimahullahu ta'ala que c'est également ce qui est dit dans le tashahhud, car dans le tashahhud à la fin on dit assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Donc on peut comprendre la parole de Cheikh sous ces deux aspects. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك